Salut à tous. Bon alors pour tous ceux qui ont raté le début, on est bien arrivé en Angleterre. On a une baraque avec 6 chambres et ma foi assez bien sympa. Donc là pour l'instant dans les chambres on a donc une chambre avec un couple d'Indiens, donc Kinjal et Prijal. On a une chambre avec un Malaisien, Jack. Une chambre avec une Chinoise, Jind. Une chambre avec un Anglais, Prabs. Une chambre avec Malik et une chambre avec moi. Voilà. Sinon, ceux qui ont vraiment loupé tout le début, eh ben, on a eu pas trop de problèmes pour arriver jusque-là. À part un petit contrôle de douane avec fouille au corps, ma foi intéressant. Et vidage de voiture complet. Bon, on a bien rigolé quand même. Après, on a pris le ferry, on a dormi dans le ferry, c'était bien aussi, c'est vachement intéressant. Sinon, la conduite à gauche, c'est sympa. Après on a débarqué en pleine nuit à l'université, on a piloté un endroit grâce à des gars qui nous ont sauvé la vie. Sinon c'était dormir dans la voiture, ce qui est à dire pas de top. Après qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a commencé à remplir la paperasse, on a trouvé le service d'université, le Bristol International Student Center, qui nous ont trouvé la maison où on est. Et voilà. Bon bah ça c'était pour ceux qui ont loupé le début, la prochaine fois je raconterai un peu ce qui s'est passé depuis. Ciao!